إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours 33 dans l'explication de العقيدة الواسطية avec l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et la dernière fois, on avait expliqué les gens, disons le mérite des Sahaba. Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Le mérite des Sahaba et la position des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport aux Sahaba et à leur mérite, et comment certains d'entre eux sont meilleurs que d'autres. Donc, on est arrivé au point où on avait parlé des gens de Badr, des gens qui avaient participé à la bataille de Badr, et on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, Allah a dit « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » c'est-à-dire « faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné ». Et on était arrivé à expliquer ce point-là, et on disait qu'ils étaient environ 310 et quelques sahabis qui ont participé à cette bataille. Donc le cheikh dit « وَقَوْلُهُ وَكَانُوا ثَلَاثُ مِئَةٍ وَبِدْعَةَ عَشَرٍ هَكَذَا وَرَدَ عَدَدُهُمْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي » Donc, quand on dit qu'ils étaient 310 et quelques, c'est parce que c'est mentionné comme ça, leur nombre est mentionné ainsi dans Sahih al-Bukhari, qu'ils étaient ce nombre-là. وَقَوْلُهُ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne Allah comme s'il dit que Allah a dit « Faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné » Ibn al-Qayyim a expliqué cette parole-là dans son livre Al-Fawa'id. Et il dit, قال ابن القيم في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال وهذا محال انتهى كلامه. Donc ici l'imam le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné la parole de l'imam Ibn Al-Qayyim au sujet de cette citation ou de cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des sahaba en citant Allah disant faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. C'est-à-dire Allah a pardonné aux gens qui ont participé à la bataille de Badr et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des ulama qui ont eu des différentes compréhensions de cette signification-là. D'accord? Donc Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Al-Fawa'id, il a dit que cette parole-là a été un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, et il a mentionné toutes les différentes opinions qui ont été dites par les ulama à ce sujet-là. Ok? Donc il a mentionné plusieurs opinions, puis à la fin, il a mentionné la position qu'il considérait comme étant celle qui était la plus proche de la vérité et la plus correcte. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'on a pris comme position, ce qu'on croit à ce sujet-là, c'est que cette parole-là s'adresse à des gens que Allah a su à leur sujet qu'ils n'allaient pas quitter sa religion et qu'ils allaient mourir sur l'islam, et que c'est des gens qui allaient faire des péchés comme le reste des hommes, comme le reste des musulmans font des péchés. Ça c'est certain, tout le monde fait des péchés. Toutefois, lorsqu'ils font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas persister sur ces péchés-là. C'est-à-dire, il leur donne le tawfiq de pouvoir faire une repentance sincère lorsqu'ils ont fait certains péchés. Allah leur permet de se repentir et de revenir à l'obéissance, et il leur permet de, ou bien il leur facilite la repentance et le pardon. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite également les bonnes œuvres qui vont effacer les péchés qu'ils ont fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que lorsque quelqu'un fait un péché, il doit se repentir et il doit faire suivre ce péché-là par des bonnes actions. Donc, lorsque tu fais un péché, tu la fais suivre par des bonnes œuvres, et les bonnes œuvres que tu fais après avoir fait ce péché-là, ça aide à effacer ce péché que tu as fait. D'accord? Donc, quand tu fais un péché, tu le fais suivre par des bonnes œuvres. Et c'est ça ce que le chef explique. Il dit donc, c'est des gens, comme les sahaba, les gens qui ont participé à Badr, c'est des gens, Allah, même s'ils font des péchés, Allah leur facilite la repentance, et il fait en sorte qu'ils ne persistent pas à faire ce péché-là, et il leur facilite la repentance et les bonnes œuvres qui vont effacer ces péchés-là. Et c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié et qui sont, disons, c'est des gens qui ont été choisis d'une façon particulière. Et c'est un mérite qu'ils ont en dehors du reste des musulmans. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là ou cette caractéristique-là. C'est quelque chose de spécifique pour les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Et le cheikh dit donc que c'est des gens qu'Allah a pardonné. Et ça ne veut pas dire que le fait qu'il soit pardonné, ça ne veut pas dire que ça n'a pas rapport avec les choses qu'ils ont fait eux-mêmes, ou que ce n'est pas causé par eux-mêmes. Non, il y a un lien avec le fait que c'est des choses, des causes qu'eux ont fait qui fait en sorte qu'ils ont une partie de ce pardon, ou bien qu'ils ont ce pardon-là, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent, disons, cesser de faire tout ce qu'ils veulent en se limitant uniquement sur la promesse du pardon que Allah leur a fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que le prophète a dit que Allah a dit faites ce que vous voulez, vous allez pardonner. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se s'asseoir là-dessus puis dire ça y est, yani, peu importe ce qu'on fait, on va être pardonné. Et puis on va arrêter de faire ce qui est obligatoire pour nous. Et puis après le chef il dit sinon, si c'était le cas, eh ben il aurait pu avoir ce mérite-là et ce pardon-là même sans faire aucune des obligations. Et ils n'auraient pas eu besoin de faire la salat ou le hajj ou la zakat ou le jihad, mais malgré tout ils ont continué à faire ces choses-là. Et donc ça prouve que c'était pas suffisant pour eux juste de dire ça y est, on m'a promis le paradis, et puis on m'a dit que je suis pardonné, donc ça y est, j'ai pas besoin de faire rien. Donc, tu vois, donc malgré qu'ils ont entendu cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont pas dit d'accord, j'arrête de faire tout et puis Dieu m'a pardonné. Ils ont continué quand même à faire les efforts et à faire preuve de foi et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si on compare ça avec l'attitude des gens de bid'ah, il y a des gens de dégarement comme par exemple le soufia, qui eux, ils font le contraire. C'est-à-dire, eux, ils disent, nous, ça y est, on a atteint un niveau de piété, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner, on n'a plus besoin de faire aucune obligation. Hein. Tandis que les sahaba, ils ont entendu directement, tandis que les sahaba, en particulier les gens qui ont participé à Badr, ils ont entendu le prophète qui leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Malgré tout, ils continuaient à faire la salat, ils continuaient à faire le hajj, ils continuaient à faire le zakat, ils continuaient à faire toutes les obligations de l'islam, et plus encore, hein, et ils s'éloignent des choses haram et toutes ces choses-là, et ils se repentent, etc., malgré qu'ils savent qu'ils ont le pardon d'Allah. Donc on voit tout de suite la différence entre ceux-là et ceux-là. Et alhamdulillah, après le cheikh il dit, قال بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي عنهم أو رضي الله عنهم وردوا عنه وكانوا أكثر من 1400. وهذا الكلام في شأن أهل البيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا، وقد ذكر لهم الشيخ مزيتين. Donc le cheikh il dit donc à propos des gens qui ont fait le bay'a en dessous de l'arbre lorsqu'il y a eu bay'at al-Ridwan, que ils étaient 1400 et que aucun d'entre eux ne rentrera en enfer. Aucun d'entre eux ne rentrera en enfer. Et il a dit que Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le cheikh il dit que cette parole-là au sujet des gens qui ont participé à la bay'a de Ridwan, c'est-à-dire ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre, lorsque les mushrikoun les ont empêchés d'entrer à Mecca pour aller faire le Umrah. Et ça, on l'a expliqué au dernier cours, on a parlé de ça. Et le cheikh, il a mentionné à leur sujet deux particularités, ou deux caractéristiques particulières. La première, al-oula, annahu la yadkhul an-nar ahadun minhum, wa dalilu dhalika ma fi sahih muslim min hadith Jabir radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Donc, la première caractéristique de ces gens-là, les 1400 qui ont fait le bay'a, qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre ce jour-là, c'est que aucun d'entre eux n'entrera en enfer. Hein. Et la preuve de ça, c'est ce qui est mentionné dans Sahih Muslim, le hadith de Jabir, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun n'entrera en enfer parmi ceux qui ont fait le bay'a en dessous de l'arbre, hein, là, qui ont prêté l'allégeance, le serment d'allégeance en dessous de l'arbre. الثانية أن الله قد رضي عنهم وهذا صريح القرآن كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية وقوله وكانوا أكثر من 1400 وهذا بناء على الصحيح في عددهم والله أعلم. Le cheikh il dit que la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et ça, c'est clair dans le Coran. Allah a été satisfait d'eux, il les a agréés. Et ça, c'est clair dans le verset 18 dans Surat al-Fath. Allah il dit qu'il a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre dans Surat al-Fath. Et ils étaient 1400. Et ça, c'est basé sur qu'est-ce qui est rapporté dans As-Sahih à ce sujet-là, au sujet de leur nombre. Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il continue l'explication, il dit وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له لأن في هذا تقولا على الله لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين وهذا أصل هذا أصل من أصول العقيدة. Donc le cheikh il dit que أهل السنة والجماعة, les gens qui font partie de la sunna et du groupe, ces gens-là, ils témoignent que ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront au paradis, eh bien, ils témoignent qu'ils seront au paradis. D'accord? Et, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de témoigner au sujet d'un individu qu'il sera au paradis, excepté si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié que cette personne-là sera au paradis. Sinon, on n'a pas le droit de le dire. D'accord? Et on n'a pas besoin non plus de dire que quelqu'un sera en enfer, excepté s'il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ou une preuve du Coran ou une preuve du Hadith. D'accord? Et donc, il mentionne parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens auxquels, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils seront au paradis, il en mentionne premièrement les 10. Hein? Il y a ce qu'on appelle al-ashra, al-mubashirina bil-jannah. Des fois, les savants, ils résument la croyance. Ils résument des sujets de l'islam, pas seulement l'aqidah, pas seulement la croyance, mais même le fiqh, usul, tafsir, n'importe beaucoup de sujets différents, ils le résument en forme de poésie, pour mémoriser. Et donc les gens, ils les apprennent par cœur, et c'est ça ce qu'ils mentionnent, qu'il y a un vers qui les mentionne les 10. Le cheikh, il dit que, donc, il y a les 10 qui sont connus parmi les sahaba, on va les mentionner. Pas tout de suite, on va le mentionner après. Et il y a un autre sahabi qu'il mentionne, qui est Thabit ibn Qais ibn Shammas. Et plusieurs autres parmi les sahaba qui ont été annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les habitants du paradis. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, on témoigne que ces gens-là seront au paradis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de ça. Et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas témoigné à leur sujet qu'ils seront au paradis, on ne témoigne pas à leur sujet. C'est-à-dire, on ne va pas affirmer qu'ils seront au paradis, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. S'il ne l'a pas affirmé, on ne l'affirme pas. Parce que si on affirme quelque chose comme ça, sans preuve, ça veut dire qu'on a inventé un mensonge à propos d'Allah. On a dit quelque chose à propos de Dieu sans preuve. Ça, c'est pas permis. Mais on espère pour ceux qui sont dans le bien, qui font le bien, qui sont parmi les mu'minines, parmi les musulmans, qui font le bien, on espère pour eux le paradis, et on craint pour ceux qui font du mal, qu'ils soient en enfer. D'accord? Mais on ne dit pas, lui il sera en paradis, lui il sera en enfer. On n'affirme pas parce qu'on ne peut pas savoir. Seulement Allah qui sait comment quelqu'un va finir. Mais on dit, celui qui fait le bien, on espère pour lui le paradis. Celui qui fait le mal, on craint pour lui l'enfer. Hein? Ça, c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est un des fondements parmi les fondements de Al-Aqidah. C'est un des fondements parmi les fondements de Al-Aqidah. on n'a pas le droit de spécifier quelqu'un en particulier pour dire lui il va au paradis, lui il va en enfer, même s'il est musulman, hein, même s'il fait la salat, même s'il fait des péchés, même si un musulman fait la salat, on ne peut pas dire ah lui il c'est sûr qu'il va au paradis. La salat, c'est-à-dire la prière, hein, les prières. On n'a pas le droit de dire, si tu comprends pas, c'est normal que tu veux poser des questions. Il y a beaucoup de termes qu'on va dire que tu vas pas comprendre, parce qu'on est avancé, tu vois, on est presque à la fin du livre, mais quand même, bon, il y aura peut-être d'autres sujets, d'autres fois, on va commencer d'autres sujets qui vont être plus, disons, faciles à comprendre pour quelqu'un qui veut apprendre, disons, le début, les choses, parce que là, on est rendu dans un sujet, on parle des compagnons, de ceux qui étaient avec le prophète, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Donc, on explique certains points sur certaines choses, certaines positions au sujet desquelles des groupes ont dévié à ce sujet-là. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont fait ça. D'accord? Donc, c'est ça. Ensuite, comme je disais, même si quelqu'un fait des péchés parmi les musulmans, t'as pas le droit de dire lui il va aller en enfer parce que tu sais pas comment il va finir. Hein, peut-être qu'il va se repentir avant sa mort. Même un mécréant, même quelqu'un qui est pas musulman, tu peux, hein? Ça, ça fait partie de l'invisible. Tu peux pas dire lui ce gars-là il va aller en enfer. Tu sais pas, peut-être que avant sa mort il va se repentir, il va accepter la foi puis il va rentrer au paradis. Peut-être que quelqu'un qui est dans l'islam, hein? Peut-être avant sa mort, mais peut-être il va quitter la foi puis il va rentrer en enfer. C'est pour ça qu'il faut rester toujours ferme sur notre foi, puis demander la fermeté, demander à Allah de nous garder fermes et de nous renforcer notre foi, et rester loin des causes d'égarement. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, وقوله كالعشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. نعم. وصحة الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. وقوله وثابت بن قيس بن شماس. وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. وقوله وثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وغيره من الصحابة، أي غير من ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كعكاشة ابن محصن وعبد الله ابن سلام وغيرهما. دونك ici maintenant le cheikh il a mentionné les 10 qui sont promis au paradis. Il a mentionné Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Je les ai mentionnés en arabe, donc pas besoin de les répéter. Mais ce sont les 10 qui ont été promis au paradis. Et il y a également des hadiths authentiques qui prouvent cette chose-là, qui ont été rapportés à ce sujet-là. Et que ceux-là sont en paradis. Donc on peut dire, au sujet de ces gens-là, que c'est certain qu'ils sont au paradis. Parce qu'on a une preuve. Et également, un autre sahabi, c'est Thabit ibn Qais ibn Shammas, aussi a été rapporté, ça a été rapporté dans un hadith authentique, à ce sujet qu'il sera au paradis. Ibn Shammas, Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, son histoire, il est rapporté dans un hadith. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un des musulmans qui, il y a un verset qui était révélé dans le Coran à un certain moment donné. Ça disait, Ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Donc le verset ça dit quoi? Ça dit, on est croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager d'Allah. Hein? Et ne lui parlez pas comme ça, ne l'appelez pas, ou ne parlez pas comme ça avec lui, ou ne l'appelez pas avec, comme vous appelez les uns les autres. Hein? Comme s'il y a un respect qu'on doit avoir quand on s'adresse au, quand on s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba devaient avoir un certain respect dans leur manière de s'adresser à lui, et donc ils ne devaient pas lever le ton ou hausser la voix. Et ça, c'est expliqué en détail dans les livres de tafsir. Toutefois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce sahabi-là, quand il a entendu ce verset qui a été révélé, lui, il a eu peur. Pourquoi? Parce que il avait naturellement une voix qui était forte. Hein? Il avait une voix forte, naturellement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il a pris des planches de bois, il a barricadé la porte de sa maison pour pas que... en tout cas, il avait eu peur, vraiment, que, étant donné qu'il avait une grosse voix, c'est-à-dire que si jamais il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il parlait et que sa voix était plus forte que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur que ses actions soient annulées à cause de ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant plusieurs jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Thabit ibn Qais. Alors, il a commencé à poser des questions à son sujet. Où est-ce qu'il est? Thabit ibn Qais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc, il a envoyé quelqu'un pour aller demander à son sujet chez lui. Alors, arrivé chez lui, il a demandé à son sujet et il a dit, Thabit ibn Qais s'est enfermé chez lui parce qu'il a eu peur que, étant donné qu'il a une grosse voix, que sa voix passe au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à cause de ça, il craignait que ses actions soient vaines, qu'elles deviennent nulles. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça et lui a dit, va chez lui et dis-lui qu'il sera au paradis. Et donc, il est allé et lui a dit ça. Après, il est revenu. Parce que, en réalité, le verset, ça disait pas, si quelqu'un a une voix naturellement, grave ou une grosse voix, que s'il parle en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions seront annulées. Et c'est plutôt, il y a celui qui fait exprès, hein. Et puis en même temps, celui qui s'oppose à la vérité qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui met ses opinions par-dessus les opinions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ses goûts par-dessus celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est une révélation qui vient d'Allah. C'est pas comme n'importe qui d'entre nous qui parle. Il ne parle pas de selon ses désirs ou selon ses passions, mais il dit ce qui vient de Dieu. Donc, on peut, si quelqu'un met son opinion personnelle devant l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, du même coup. Donc ça, c'est une des histoires. Et ça, c'est rapporté dans Al-Bukhari et également dans Sahih Muslim. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit qu'il y a également d'autres sahaba qui ont été promis d'entrer au paradis, qui ne sont pas, qui sont pas mentionnés dans ces 10-là et dans ces exemples-là. Donc il y a d'autres sahaba aussi qui sont promis au paradis, qui sont pas mentionnés. Et le cheikh, il donne un exemple, il dit comme par exemple, Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan, c'est un des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, et il expliquait qu'il y a 70 000 parmi les musulmans qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Alors, Ukasha ibn Mihsan, en entendant ça, il a dit au messager d'Allah, demande à Allah pour que je sois un d'entre eux. Alors, il dit, tu seras un d'entre eux. Il lui a dit, tu seras un d'entre eux. Et il y a un autre sahabi qui était là à côté, et lui a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah pour moi aussi que je sois parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ukasha, t'as dépassé. C'est-à-dire, sabaqaka biha Ukasha. C'est-à-dire, il t'a précédé, donc t'as pas été assez rapide en voulant dire, t'as pas été assez rapide et donc il t'a précédé là-dessus, puis là, ça y est, parce que sinon tout le monde allait dire, moi aussi, je vais demander à Allah pour moi, ouais, donc ça finirait plus. Donc, il a dit, bon, il t'a précédé, il fallait que tu sois plus rapide. Pour ça, il faut être attentif, des fois, pour toujours rester vif. Comme ça, quand il y a une occasion qui se présente, tu peux gagner des grandes grâces. Et il a mentionné également Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était un juif, parmi les rabbins même, je pense, parmi les juifs. Et qui, c'était un des servants parmi les juifs et il s'est converti à l'islam. Une des histoires qui a été rapportée à son sujet, c'est que Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est converti? Il est allé voir le professeur. Il a dit, regarde, je vais me convertir à l'islam. Mais ces gens-là, ils vont mentir à mon sujet. Si je me convertis, ils vont te dire des choses à mon sujet. Donc, avant de leur dire que je suis converti, va les voir et demande-leur à mon sujet. Donc, le prophète est allé voir les juifs et leur a demandé, qu'est-ce que vous dites de cet homme, Abdullah ibn Salam, qu'est-ce que vous dites à son sujet? Ils lui ont dit, ça, c'est le meilleur d'entre nous. Hein, celui-là, c'est le meilleur d'entre nous. Et le fils des meilleurs d'entre nous, le plus savant, un des plus savants d'entre nous, il commence à mentionner plein de bonnes choses à son sujet. Alors, Abdullah ibn Salam est venu, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, le Créateur, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est le témoignage de la foi. Quand tu dis ça, tu deviens musulman. Alors, quand il a dit ça, les juifs, ils étaient là, ils étaient tellement étonnés, tellement surpris de voir qu'il s'était converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont dit, toi tu es le pire d'entre nous, le plus ignorant d'entre nous, le moins d'entre nous. Donc c'est pour dire que ces gens-là, Abdullah ibn Salam avait averti le prophète sallam de cette réaction-là qu'ils allaient avoir. C'est comme s'ils savaient que c'est ça ce qui allait arriver. Alors pour comme établir la preuve contre eux en même temps, il avait averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ça et donc, il avait demandé aux juifs qu'est-ce qu'ils pensaient de lui avant, et après sa conversion, ils ont changé l'attitude. Hein, ils ont changé l'attitude. Et donc c'est ça, yani, alhamdulillah. Des fois, il y a une attitude chez les gens ici, parce qu'il y a des gens qui disent, ah bon, vous êtes des musulmans convertis. Des fois, ils disent, ah, vous êtes des musulmans convertis. Les convertis sont toujours comme zélés, puis, hein, pas du zèle des convertis. Et puis en réalité, ils oublient que les Sahaba c'était presque tous des convertis, hein. Donc c'est normal. Ils sont rentrés dans la foi. Et alhamdulillah, c'était le meilleur de la Ummah. Maintenant, en plus de ça, il y a des gens parfois des fois juste pour essayer de dénigrer les convertis à l'islam, hein, des rabaissés, des ça c'est des gens qui, par exemple, disent ah, c'est bon, vous avez choisi l'islam, au moins vous n'allez pas traîner dans la rue, faire des vagabondages, ou prendre de la drogue, ou des choses comme ça. Vous allez être, comme vous avez une morale, et quelque chose comme ça. Pas parce que, ils ne vont pas comprendre comme si on a accepté l'islam parce que c'est le haqq, parce que c'est la vérité, parce que c'est le droit chemin, parce que c'est le seul chemin que Allah a choisi pour l'humanité. Pour eux, c'est comme essayer de trouver une façon pour s'élever au-dessus de toi, et en même temps, c'est une forme d'arrogance de leur part. Essayer de te dénigrer pour dire « Ah oui, c'est bien, moi tu vas rester dehors, tu vas pas aller dans la drogue. » Si c'était juste pour ne pas prendre de la drogue, on n'a pas besoin de convertir à l'islam pour ça. Il y a des athées, il y a des gens qui ne croient même pas à Dieu, qui ne prennent pas de drogue, et qui ne prennent pas d'alcool, qui restent loin de tout ce qui est mauvais. Il y a des gens qui sont chrétiens, juifs, qui sont bouddhistes ou d'autres religions, qui s'éloignent de toutes ces mauvaises choses-là aussi. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont bien guidés ou qu'ils sont sur le droit chemin. La chose qui te sauve, c'est que tu as cru en l'unicité d'Allah, le tawhid, que tu as accepté ça, cette voie-là, et que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a envoyé pour l'humanité, et que tu as cette aqida qui vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui te distingue des autres, même si eux aussi ils s'éloignent de ce qui est mauvais, et ils essaient de faire ce qui est le meilleur. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui peut rejeter logiquement que ce qui est mauvais, et ce qui est bon, est bon. Quelqu'un qui est raisonnable, qui accepte la vérité, si tu discutes avec lui, tu peux le convaincre sur beaucoup de choses. Tu peux le convaincre que l'alcool c'est mauvais, que la cigarette c'est mauvais, que la drogue c'est mauvais, il va l'accepter. Hein? Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sur le droit chemin s'il accepte ça, sans accepter le tawhid, sans accepter les bases de la foi? Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis, yani, c'est pour voir aussi que c'est pas juste d'accepter n'importe quelle religion, puis de pratiquer n'importe quelle religion, mais c'est d'accepter la vérité et de suivre la vérité. Ça, l'important. Et une autre note aussi, je voulais mentionner au sujet de Abu Bakr al-Siddiq, c'est le meilleur de cette Ummah. C'est le premier parmi les hommes

a insisté encore, dit bon, c'est Abu Bakr qui dirige la prière. Hein, il insiste, il a insisté, il a insisté comme ça. Donc c'est pour montrer le mérite d'Abu Bakr se dire. Et tout ça c'est comme pour des indications, pour faire comprendre que lorsqu'il va mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez Abu Bakr Siddiq, choisissez Abu Bakr Siddiq, c'est mon compagnon, c'était le plus proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça nous indique que c'est lui qui doit être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement ça, il a été enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Hein? Il est enterré juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Omar ibn Khattab a été enterré lui aussi à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant c'était Abu Bakr. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui a pris une position de fermeté vis-à-vis des murtadines et vis-à-vis ceux qui ont refusé de payer la zakat. Et c'est lui qui a envoyé l'armée de Oussama, hein, yarhamukallah. Et donc il a beaucoup de mérite, Abu Bakr al-Siddiq, il a plein de mérites. Là c'est juste un résumé qu'est-ce que je vous dis, mais yani, on pourrait en parler encore bien longtemps des mérites d'Abu Bakr. Et tout ça c'est pour répondre et réfuter les gens de Bid'a comme les Rafidah qui prétendent que ce soit pas c'est lui qui a volé la place de Ali ibn Abi Talib dans le Khilafah. Et tout ça yani, c'est batil, il n'y a pas de doute que c'est des mensonges et que Abu Bakr al-Siddiq, c'est lui qui méritait réellement la position qu'il a eue. Donc, ensuite de ça, on continue, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَيُقِرْهُونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنْ أَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون ما تواتر به النقل أي ما ثبت بطريق التواتر والتواتر هو أقوى الأسانيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويسلفون بعثمان أي يجعلونه الثالث في الترتيب ويربعون بعلي رضي الله عنه أي يجعلونه الرابع رضي الله عنهم وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة فيطعنون في خلافة الشيخين وهذا البحث يتضمن مسألتين الأولى مسألة الخلافة والثانية مسألة التفضيل. Donc le cheikh il dit que أهل السنة والجماعة ils reconnaissent et ils affirment d'après ce qui a été rapporté de façon mutawatira, c'est-à-dire un grand nombre de narrateurs qui l'ont rapporté cette chose-là, hein, ils ont cru que Amir al-Mu'minin a dit que le meilleur après cette umma, on croit, nous Ahl-Sunnah, et on reconnaît, nous Ahl-Sunnah wal-Jama'a, d'après ce qui a été rapporté par un grand nombre de sahaba, et entre autres Ali ibn Abi Talib, que le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, et le troisième c'est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et ils disent que le quatrième c'est Ali ibn Abi Talib. D'accord? Donc ça a été rapporté dans une narration qui est rapportée par un très très grand nombre de narrateurs. Et c'est une réfutation contre les Rafidah, les Shia Rafidah, hein, qui rejettent le khilafah de Abu Bakr et Omar et qui disent que Ali est meilleur que Abu Bakr et Omar et qu'ils le font précéder, qui disent que c'est lui le premier qui devait être le khalifa et que Abu Bakr et Omar ont volé sa place ainsi que Osman. Donc ils critiquent et ils attaquent le khilafah des deux cheikhs, c'est-à-dire le cheikh, c'est Omar et Abu Bakr et Omar, radiallahu anhumah. Et donc dans ce sujet-là, il y a deux points. La question du khilafa, la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième c'est mas'alatu tafdil, c'est-à-dire la question de la préférence, lequel qu'on doit préférer après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le premier, le cheikh, il explique, il dit, فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِمَا فِيهِمُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٍ ثُمَّ عُثْمَانٍ ثُمَّ عَلِيٍّ. Donc, le cheikh dit, en ce qui concerne la question du khilafa, la succession après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a sont tous d'accord à l'unanimité que, et parmi eux il y a les Sahaba bien entendu, que le khalifa, ceux qui ont pris le khilafa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en premier c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Uthman, ensuite c'est Ali. Ils sont tous d'accord là-dessus. Hein? En ce qui concerne la question, comme dit le chef, il dit « أما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر به النقل عن علي » Et le chef, il dit, en ce qui concerne la question de qui est meilleur, qui a plus de mérite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous d'accord que les meilleurs de cette Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr puis Omar. Ça, c'est qu'est-ce qui est mutawatir et qu'est-ce qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Abu Bakr et Omar, tout le monde est d'accord là-dessus que c'est les deux meilleurs. D'accord? Et donc, il y a deux points à comprendre. Il y a une différence ici entre la question de la succession et la question du mérite. C'est deux choses différentes. Tous les gens d'Ahlus Sunnah sont d'accord pour dire que le khilafa c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, les quatre. Sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de différence sur le khilafa. Mais sur le mérite, il y a une différence entre Othman et Ali. Mais Abu Bakr et Omar sont tous d'accord. C'est juste Othman et Ali, il y en a qui ont une petite différence d'opinion là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose de grave comme on va l'expliquer, inshallah. Le cheikh il dit « وَاخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانِ وَعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّهُمَا أَفْضَلْ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخ هُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ثلاثة أقوال حيث يقول فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي رضي الله عنه وقدم قوم عليا وقوم توقفوا هذا حاصل الخلاف في المسألة تقديم عثمان تقديم علي والتوقف على تقديم Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne Othman et Ali, dans la question de lequel des deux est meilleur, est-ce que c'est Othman ibn Affan ou Ali ibn Abi Talib, le cheikh il dit qu'il y a trois positions parmi les ulama à ce sujet-là. Trois positions parmi les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Il y en a des gens qui ont fait précéder Othman. Ils ont dit « Othman est meilleur que Ali ». Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Ali est meilleur que Othman ». Et il y en a un autre groupe, ils n'ont rien dit. Ils ont dit « On ne sait pas lequel des deux est meilleur ». On ne dit rien. Et donc ça, c'est les trois positions à ce sujet-là. Ceux qui ont fait précéder Othman, ceux qui ont fait précéder Ali, et ceux qui ont dit « On s'arrête, on ne dit rien ». D'accord? Et le cheikh il dit, donc pour expliquer, وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان. Et le cheikh Ibn Taymiyyah il a mentionné que la position la plus correcte, c'est que Othman c'est lui qui est le meilleur avant Ali. Et il a mentionné, et le cheikh Al-Fawzan il mentionne trois raisons pourquoi Othman est préféré, pourquoi on dit que Othman est meilleur. Les umours. وهو الأول الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه. Le cheikh il dit que premièrement c'est ça qui est prouvé par les narrations et par les textes qui montrent que يعني عثمان ابن عفان a plus de mérite que Ali ابن أبي طالب. En passant, Othman ibn Affan, c'est celui qu'on appelle Zun-Nurayn. Zun-Nurayn, c'est un de ses surnoms. Zun-Nurayn. Nurayn. Non, celui qui avait deux lumières. Pourquoi on l'appelle Dhul Nurayn? Parce qu'il a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il a épousé une, puis elle est décédée, puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une autre de ses filles en mariage par la suite. Et donc il a eu deux épouses qui étaient les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais une autre fille, si j'en avais une autre à marier, je lui en aurais donné une, encore une fois. Hein, donc ça veut dire que yani, Osman, il avait des grands mérites. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas ses filles à n'importe qui, hein, bien entendu. Et également, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant d'Osman, il a dit, comment je ne vais pas être gêné d'un homme dont les anges sont gênés. Mais les anges sont gênés d'Osman parce qu'il est très timide. Une de ses caractéristiques, c'était sa grande timidité. Et donc, les anges sont gênés en la présence d'Osman ibn Affan. Donc, et il y a beaucoup d'autres manaqib yani qu'on peut mentionner, comment il était, qu'il a beaucoup aidé également l'islam avec son argent. Hein, avec son argent, il a préparé une armée entière pour une des batailles contre les idolâtres. Donc ça c'était parmi les manaqib de Osman ibn Affan. Ensuite, la deuxième raison, le chef dit Affani, إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لشيخ الزي deuxièmement, إجماع الصحابة, le consensus des صحابة sont tous d'accord pour dire que عثمان ils sont tous d'accord pour dire que Othman a été on lui a donné la précédence dans l'allégeance, c'est-à-dire dans le khilafa. On lui a donné le bay'a avant Ali. Et il explique que la raison de ça, c'est uniquement parce qu'il est meilleur. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'ordre qu'ils ont dans le khilafa, c'est le même ordre qu'ils ont dans le mérite. C'est-à-dire, quand on dit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum, ça c'est l'ordre dans lequel ils ont été à la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le khilafa, et en même temps c'est ça l'ordre qu'ils ont dans le mérite, c'est-à-dire de la même ordre. C'est-à-dire que les sahaba ils ont choisi toujours le meilleur d'entre eux pour être leur dirigeant et pour être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas juste pris quelqu'un comme ça, ils ont pris le meilleur. Hein, et on sait que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont choisi Abu Bakr, Ahlul Hilli wal Aqd, ils ont choisi Abu Bakr al-Siddiq. Omar ibn Khattab, comment il a été khalifa? Il a été khalifa parce que Abu Bakr al-Siddiq lui a donné la succession. Il lui a dit, après moi, c'est Omar ibn Khattab qui va me prendre ma place. Donc il l'a désigné spécifiquement. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il est décédé, il a dit, je vous donne 10 noms, vous choisissez entre ces 10 celui qui est le meilleur pour être le khalifa après moi. Hein? Et donc, les sahaba se sont réunis et ils ont choisi Osman ibn Affan. D'accord? Donc ça c'est pour dire que les sahaba ont toujours choisi les meilleurs d'entre eux pour être le khalifa. Omar a été tué, Osman a été tué, ouais, Omar a été tué par Abu Lu'lu al-Majusi, un des idolâtres, des adorateurs du feu, les gens de la Perse. Ah, les Shia, ils ont la fête de ce jour-là. Baba Shuja'a, a'udhu billah. Donc les Shia, ils fêtent le jour de la mort d'Omar ibn Khattab, Abu Lu'lu'a. Lu'lu'a, c'est la perle, le père de la perle. Parce qu'ils sont contents que Omar est mort. Parce qu'ils détestent Abu Bakr et Omar. Ils disent qu'ils sont des koufars. Les chiites disent qu'Abu Bakr et Omar sont des koufars. Et ils le détestent. Et ils l'insultent. Ils les insultent. Et pour eux, ça fait partie de la religion de les insulter. Et ils croient que quand ils les insultent, ils ont des bonnes œuvres et des hasanats pour faire ça. Donc c'est déjà vraiment égaré là, et qui suit pas les textes bien entendu. Et Allah a dit dans le Coran à leur sujet qu'il est satisfait d'eux, et après eux ils viennent et ils les insultent, donc ils ont contredit le Coran et la Sunna. Donc comme je disais, et Othman il a été tué par les Khawarij, et Ali ibn Abi Talib également a été tué par les Khawarij. Donc c'est pour dire comment ceux-là ont tous fini de différentes façons, mais souvent ils sont morts assassinés. Allah musta'an. Et après donc, comme je disais, la troisième raison, le cheikh il dit, الثالث أنه استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي كما سبق أنهم قدموه في البيعة. Donc par la suite, les أهل السنة والجماعة ils se sont mis, ils ont établi que c'est Othman qui est en avant de Ali, hein, comme ils les ont fait, comme ils l'ont fait précéder dans le Khilafa. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. عبد الرحمن بن عوف لدعا علي ابن أبي طالب j'ai regardé dans les gens et j'ai vu personne qui était égal à عثمان. عبد الرحمن بن عوف c'était un parmi les 10 que Omar a dit, vous choisissez un khalifa parmi ces 10-là. Et Ali ibn Abi Talib, lui aussi, faisait partie de ces 10-là. Et Abdurrahman a dit à Ali, j'ai regardé les gens et il n'y a personne qui était égal à Othman parmi eux. Donc ça montre le bien de Othman. Et le cheikh dit, wa qala Abu Ayyub, man lam yuqaddim Othman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar. Abu Ayyub al-Ansari, il a dit quoi? Il a dit, celui qui n'a pas fait précéder Othman par-dessus Ali, c'est comme s'il a traité les muhajirin et les ansar de menteurs. C'est comme s'il les a traités de gens qui ont fait un faux témoignage. Abu Ayyub, celui qui ne place pas Othman avant Ali, comme s'il a dit que les Sahaba ont fait un faux témoignage à propos des Sahaba. Ils n'ont pas choisi le meilleur. Ils ont choisi quelqu'un qui ne méritait pas sa place. Et donc, c'est comme si, en réalité, ils accusent l'honnêteté, hein, et la sincérité des Sahaba. D'accord? Et donc, ça, c'est que ça. Car Ali, oui, il était plus âgé. Ouais. Parce que Ali, il a accepté l'islam, il avait 10 ans. C'était un enfant. C'est un des premiers qui a accepté l'islam. Mais il était petit. Hein? Donc c'est pour cette raison-là. Tandis que Abu Bakr al-Siddiq, il avait la même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Bakr. فَهَذَا دَلِيلُ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ. Donc ça c'est ces citations-là qu'on a mentionnées des Sahaba, c'est la preuve que Othman était meilleur qu'Ali. لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. Ça veut dire que Othman était meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris, ils l'ont fait précéder. Ils l'ont choisi après s'être consultés entre eux. Ils lui ont donné l'allégeance. Et Ali faisait partie de ceux qui ont été dans la consultation pour choisir le successeur de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Ça prouve donc que c'est le meilleur, hein, parmi eux à cette époque-là. Et donc, il faisait partie, Ali lui-même faisait partie de ceux qui ont donné al-Bay'a, l'allégeance, à Othman ibn Affan. Donc, ça montre qu'il avait un mérite sur Ali, hein. Et les Shia, eux, ils disent que Ali a fait semblant, mais qu'il a menti, ou des choses comme ça. Qu'il croyait, que dans son cœur, il croyait que Abu Bakr, Omar et Othman sont des kuffars. Imaginez. Ouais, Allah voulu dire, eux ils veulent dire que comme si il a fait ça pour cacher parce qu'il savait que s'il allait parler, il allait pas se faire accepter ou des choses comme ça, il a fait ça par crainte. Non, c'est sûr qu'il ne suit pas Ali. Ali n'était pas un chiite, il suivait le prophète, en fait, il n'était pas sur une autre religion que le reste des sahaba. Hein. C'est pour ça que nous on dit, on aime tous les sahaba, on n'aime pas certains sahaba en particulier en dehors des autres, non, on aime tous les sahaba. Hein. Et on parle en mal d'aucun d'entre eux, hein. Et on dit à propos d'eux, tous, on dit au sujet de tous les sahaba, radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Naam. Et Ali, il dit le chef, wa kana yuqim al-hudud bayna yadayhi. C'est-à-dire, ici il dit qu'il établissait les punitions devant lui. Il établissait les règles de la charia, les punitions de la charia devant Ali ibn Abi Talib. Donc ça veut dire que il était satisfait de lui, il était satisfait de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc ça c'est des, tous des exemples qui montrent que on respecte les sahaba et on donne le respect à chacun de ces sahaba. Là on va terminer ce cours aujourd'hui avec une dernière question, un dernier point en ce qui concerne le verdict à ce sujet-là de qu'est-ce qu'on a parlé de ceux qui font précéder Othman devant Ali et ceux qui font pas précéder Othman devant Ali et c'est quoi la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ces gens-là. Le cheikh il dit maintenant, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit le titre de ça c'est حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. C'est quoi le verdict au sujet de ceux qui ont mis Ali ibn Abi Talib devant les autres parmi les khulafa, parmi les autres khulafa. C'est quoi le verdict au sujet de celui qui dit Ali vient avant les autres, un des trois autres, hein, Abu Bakr, Omar et Othman. شيخ الدين وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة ذلك لأنهم يؤمنون أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. Okay. شيخ dit, même si on ne déclare pas comme étant un égaré celui qui a, oui c'est ça, il dit que la question de Othman et Ali, à savoir lequel d'entre les deux est meilleur, c'est pas une question ou c'est pas quelque chose qui fait partie des fondements au sujet desquels on déclare quelqu'un comme étant un égaré, selon la majorité des gens de Ahl Sunnah. C'est-à-dire, si quelqu'un a une divergence d'opinion au sujet de quel des deux est meilleur, Othman ou Ali, Ahl Sunnah ou Jama'a, on ne dit pas que la personne qui diverge à ce sujet-là, il est égaré. Ça ne fait pas partie des fondements au sujet desquels Ahl Sunnah wal Jama'a déclare quelqu'un comme étant un mubtadi' ou comme étant un négaré. Toutefois, wa alaykum salam wa rahmatullah, toutefois, la question du khilafa, c'est différent. La question du khilafa, si quelqu'un diverge au sujet du khilafa et qu'il n'accepte pas l'ordre qui a été établi vers Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et qui essaie de placer Ali devant un de ces trois-là, là dans ce cas-là on dit oui, il est égaré celui qui fait ça. Celui qui place Ali devant Abu Bakr, ou devant Omar, ou devant Othman, il est dans Dalal. Et le cheikh il dit même que celui qui attaque ou qui critique le khilafa d'un d'entre les trois, Abu Bakr, Omar et Othman, il est plus égaré que l'âme de sa famille. Hein? Ça c'est l'expression de Ibn Taymiyyah, comment il va critiquer. Et là, le cheikh, il explique, maintenant, cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Il dit, Abd al-Sheikh, rahimahullah, muwazanatun bayna al-mas'alatayn. مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل أي لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة نعم أي يحكم بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة لشيخ الزيب que maintenant le cheikh il a fait une distinction entre les deux questions. La question de ceux qui font précéder Ali devant Othman dans le mérite, et une autre question, celle de dire que, de faire précéder Ali devant autre que lui dans la question du khilafa ou de la succession. C'est deux questions différentes. Il y en a une de ces questions-là, si tu diverges à ce sujet, t'as pas sorti de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, t'es pas un égaré, mais l'autre question, si tu diverges à son sujet, la question de Khilafa, là tu sors de la guidance, c'est-à-dire tu sors de la Sunnah, tu deviens parmi les gens qui sont dans la bid'ah. Le cheikh il explique, il dit que c'est une question, la question du Khilafa, c'est une question très dangereuse. Et si quelqu'un fait précéder Ali devant un des trois autres qui sont mentionnés, Abu Bakr, Omar et Othman, eh bien ça c'est très dangereux. Et là, il a expliqué, le chef, qu'on ne déclare pas comme étant un égaré celui qui préfère Ali à Othman. Hein? Et on ne dit pas qu'il est égaré à cause de ça. Pourquoi? Parce que entre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah eux-mêmes, il y a des différences d'opinion à ce sujet-là. Donc étant donné qu'il y a des différences d'opinion entre Ahl Sunnah et Jama'ah, on ne peut pas dire que quelqu'un est égaré s'il diverge à ce sujet-là. Toutefois, la position qui est correcte et qui est meilleure, qui est plus proche de la vérité, c'est que c'est Othman qui est meilleur. Hein, c'est que c'est Othman qui est meilleur par rapport à Ali ibn Abi Talib. Maintenant, la question au sujet de laquelle on dit que quelqu'un devient un égaré, c'est la question du Khilafa. On dit au sujet de celui qui diverge avec Ahl Sunnah wal Jama'ah au sujet du Khilafa, de la succession du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que celui-là il s'est égaré et qu'il est un égaré. C'est-à-dire celui qui pense que Ali devait être devant Othman ou autre parmi les Khulafa qui l'ont précédé, comme par exemple celui qui dit que Ali devait venir avant Abu Bakr ou Omar. Hein? Dans le Khilafa, ou devant Othman, dans le Khilafa. Également, celui qui dit que, bon, on a dit que celui qui diverge au sujet de la précédence, qui est-ce qui est meilleur, Ali ou Othman, on ne dit pas qu'il est égaré, mais si par contre il essaie de dire qu'il est meilleur que Abu Bakr ou Omar, là il est égaré également. Parce que sur la question de la préférence du mérite, il y a l'ijma, il y a le consensus que Abu Bakr et Omar sont les meilleurs. Othman et Ali, il y a une différence d'opinion. Mais Abu Bakr et Omar, il n'y a pas de différence d'opinion. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si quelqu'un met Ali devant Abu Bakr et Omar, c'est un égaré, lui aussi. Hein? Il sort de la sunna. Donc le cheikh, il dit, فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخلافة بعد رسول الله بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته ثم الخليفة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضله وسابقته عن عهد أبي بكر إليه وعهد أبي بكر إليه باتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر ثم بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له باتفاق الأمة عليه ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث الإرباد بن سارية رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc le cheikh il dit que أهل السنة والجماعة il croit que le خليفة après le prophète صلى الله عليه وسلم celui qui succède c'est Abu Bakr رضي الله عنه. Pourquoi? À cause des mérites qu'il a et à cause du fait qu'il était un des qui a précédé les autres dans l'islam, et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également toujours fait précéder par devant les autres. Quand il parlait toujours, il disait Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, il disait toujours Abu Bakr avant de parler des autres sahaba. Et également, il y a eu le consensus des sahaba sur le fait de lui donner l'allégeance à lui. Et à cause des exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure ici à propos de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et ensuite, il y a eu Omar ibn Khattab à cause de son mérite et du fait qu'il a précédé les autres dans l'islam également, et aussi à cause du fait que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, lui a donné la succession après lui, et que la Ummah était toute d'accord pour ce choix-là après Abu Bakr. Okay. Ensuite, il y a eu, après le khilafa de Omar, il y a eu le khilafa de Othman. Et les gens de la Shura, les 10 qu'on a mentionnés, qui ont fait la consultation entre eux pour choisir un chef parmi eux, ils ont tous été d'accord pour choisir Othman. Et donc ça montre que c'était lui le meilleur pour succéder. Puis ensuite, après Othman, il y a eu Ali, à cause de son mérite, et à cause du consensus des gens de son époque pour le choisir comme étant le khalifa. Et ces quatre-là, ce sont les quatre qui sont mentionnés dans le hadith de Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Suivez ma sunna » et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. D'accord ? Ibn Sariya. Irbad ibn Sariya. Maintenant, pour terminer, le cheikh il dit ولهذا قال الشيخ من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة المذكورين فهو أضل من حمار أهلي لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب والحاصل في المسألة في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة أولا من قدمه في الخلافة فهو ضل بالاتفاق ومن قدمه في الخلافة على أبي بكر وعمر فهو ضل أيضا ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. Donc le cheikh il résume, il dit donc que celui qui critique la succession, le khilafa d'entre ceux-là, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, parmi les quatre qu'on a mentionnés, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a contredit les textes du Coran et de la Sunna, et il a contredit également le consensus, l'ijma, sans aucune preuve ni évidence, et le cheikh il dit c'est ça. Ça, c'est l'exemple des Rafidah, les Shia Rafidah, une des sectes parmi les sectes des égarés, qui ont cru que le Khilafa, la succession après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, devait être pour Ali ibn Abi Talib. Et en réalité, au sujet de la question de la précédence de Ali sur les autres Khulafa, les autres trois, Abu Bakr, Omar et Othman, il y a à comprendre deux choses. Premièrement, c'est que celui qui dit que Ali passe devant les autres, devait être khalifa ou le successeur avant les autres, il est égaré selon l'accord de tous les musulmans. C'est-à-dire si quelqu'un dit que Ali doit être devant Abu Bakr, ou bien devant Omar, ou bien devant Othman, dans le khilafa, dans la succession, il est égaré, ça c'est clair. Ensuite, celui qui dit que Ali est meilleur que Abu Bakr et Omar dans le mérite, celui-là aussi est un égaré, parce qu'il n'y a personne qui est meilleur que Abu Bakr et Omar, et il y a le consensus à ce sujet-là. Toutefois, celui qui le fait précéder dans le mérite devant Othman, lui il n'est pas égaré, toutefois, il a contredit l'opinion qui est la plus correcte, que c'est Othman qui est meilleur que lui. Ça c'est pour résumer la question à ce sujet-là, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, on va expliquer la position de Ahlul Bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Ça c'est le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on arrête ici, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakallahu khayran.